Salut Tonai. Salut Jack. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Ouais, je crois que c'est... je suis au bout de ma life là. J'espère que tu vas pouvoir te reposer après quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je viens de recevoir un petit message qui me confirme que peut-être. C'était un appel. C'était un appel. Bah écoute, j'avais envie de te retrouver pour cette dernière petite capsule. Enfin, dernière. De la semaine. Voilà, de la semaine. Ouais. Pour te parler d'un groupe, en fait, je pense que on risque de se mettre un. Oh là, qu'est-ce qu'il me dit ? Oh ! Attends, est-ce que ça continue à bouger les chiffres derrière ? Ouais, ça continue. Donc, on va essayer de le faire quand même. Ok. Ah ouais, 20%, ok, on va essayer de le faire. Attends, batterie faible. Ouais, ferme-le lui. Voilà. On essaye de continuer quand même. Allez, on y croit. Allez, let's go. Donc, je te disais, je pense qu'on va peut-être se mettre Bob à dos. Ah. Ouais. Par rapport à nos avis ? Non, par rapport au fait que je pense qu'il aurait eu très envie de parler de ce groupe. Et en fait, on le fait un petit peu dans son dos, tu vois, donc... Il doit le savoir, il est déjà passé au Hellfest, j'imagine. Bah, effectivement, ce groupe est passé en 2009. Ah ouais, la vache. Ouais. Donc, là. C'est comme si vous auriez pu le rechroniquer presque. Non, on aurait pu le chroniquer. Chroniquer tout simplement, ouais. Donc, avant de te parler de ce groupe-là, et en espérant ne pas froisser Bob, ça m'embêterait. Parce que je l'aime bien quand même. On n'est pas obligé de lui dire. C'est vrai qu'on n'a pas obligé de lui dire. Ouais. Et si on lui dit pas ? Et on va le savoir s'il nous écoute, il va faire dis donc les gars, vous auriez pas parlé à un groupe que je surkiffe quand même ? Enfin, même sans l'écouter, il peut juste voir le truc passer. Ah ouais, c'est vrai, juste. Non, on va pas lui dire. Non. Est-ce que du coup, ouais, pour y aller et s'y mettre, parce qu'on commence à manquer de batterie d'un peu de partout, ouais, est-ce que tu nous ferais pas un petit générique ? C'est parti ! Je sais pas pourquoi générique. Je suis comme ça. Générique. Générique. Accident. Non, générique. Générique. Bah oui. Le groupe dont j'avais envie de parler, en fait, est un groupe que je ne connaissais pas non plus. Enfin, tu l'as découvert en même temps que moi ? Alors, oui, parce que je le connaissais de nom, parce que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sortie d'affiche du Hellfest, d'une nouvelle édition, il y a Bob qui disait « Oh, il n'y a pas ce groupe-là ». Enfin, il y en avait deux. Je crois me souvenir. Il y a deux groupes, voilà. Donc, il y a toujours deux groupes, il dit « Ah, il n'y a pas ce groupe-là, il n'y a pas ce groupe-là ». Mais le nom de ce groupe, ça fait des années qu'il m'en parle. Et moi, comme un bon pote, je dis « Ah ouais, je connais pas, je vais pas écouter encore ». Et donc là, je l'ai un peu découvert aussi, et c'était un peu pour ça que je voulais en parler avec toi, en mettant en mode découverte. Okay. Qu'on passe une double... Parce que, tant qu'à faire, autant partager les mots. C'est sympa ça aussi. Ouais, c'est une découverte, c'est pas souvent. Hein. Non, mais j'aime bien le faire, toi, de cette manière. C'est normal, je trouve. Il faut que ça soit un peu dans les deux sens. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que, du coup, tu sais de quel groupe je vais parler ? Ou on va parler, je pense, Bob, qu'on va parler de Silent Green. Effectivement. Silent Green. On va parler de Silent Green. Soylent Green, qui est un groupe de sludge, death metal, grindcore et un peu tout plein d'autres trucs, américain, qui vient de la Nouvelle-Orléans et qui s'est formé en 88. Donc à la base... Je suis un peu content parce que à part le sludge, j'avais bien collé les bonnes autres étiquettes. Après, tu sais, le sludge, c'est toujours un peu, je vais pas dire particulier à catégoriser, à mais c'est un mélange aussi un peu, soit ça se sent. Ouais. Donc à la base, en fait, il y avait Nuclear Crucifixion et en fait, c'est les membres fondateurs de ce groupe qui se sont barrés, à savoir Glenn Rambo, Donovan Punch et Brian Patton qui sont ils se sont barrés pour former le groupe, à savoir Silent Green. Ils vont s'inspirer du film Soleil Vert de 73. Tu l'as vu ce film ? Non. Je connais pas. Et en fait, la particularité de ce film, c'est que ça raconte, si j'ai bien compris, une histoire un peu dystopique. C'est comment, à un moment donné, les humains, ils ont plus de ressources naturelles. Oula. Et ils se nourrissent d'une nouvelle forme d'aliment qui est distribuée par une entreprise qui s'appelle... C'est congénère. Non, pardon, c'est du cannibalisme ça sinon. Tu ne crois pas si bien dire. Donc, distribué par l'entreprise Soylent, mais pas Soylent avec un I, avec un Y. Et donc c'était un aliment préconditionné sous forme de tablette, et en fait on se rend compte que cet aliment est réalisé à partir de cadavres de personnes euthanasiées. Ouais, t'avais pré-shot. Mais ouais. T'avais pré-shot. Et donc en fait le film donc le Soleil Vert. Voilà, enfin le film s'appelle Soleil Vert, et donc Soylent Green, c'est un mélange de Soylent, ouais, le nom de l'entreprise. Et de silence. Non. Et Green Vert. Vert. Ok. Et donc en fait ils ont légèrement changé l'orthographe de Soylent pour pas qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur. Ah. Et soit okay. Ouais, ça. Mais c'est un droit de. Ils peuvent pas en tant que groupe avoir le même nom qu'un film. Je sais pas. Je pense qu'ils ont pas voulu essayer même de prendre le risque. Ouais, voilà. T'es aux États-Unis. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un sport international. C'est vrai. Et du coup, à travers ça, ils ont voulu dire que dans le film, ils mélangent des gens avant de les manger, là où Soylent Green mélange différents styles de musique, extrême ou de métal, dans un grand blender, et là où l'ancienne école rencontre la nouvelle avec une touche de tout le reste. Ok, ouais, ça fait un peu à choix à viande ton truc là. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc comme on peut retrouver de tous les styles, comme je l'ai déjà un peu dit, on peut même retrouver du grindcore, ça se dérange pas, ça y va. Et c'est un groupe qui fait un peu partie de la NOLA, tu sais, la nouvelle la New Orleans. Ah, j'ai oublié, c'était quoi la New Orleans. C'est NOLA. Ouais, New Orleans, NOLA, Los Angeles. Tu sais, parce que c'est un non, c'est pas ça. New Orleans, NOLA est principalement l'acronyme de New Orleans, Louisiana, pour dire que c'est des groupes. C'est une certaine partie des États-Unis, non, c'est ça? Ouais, c'est en fait c'est pour ça ressemble pas mal de groupes du Bayou un peu comme on dit. Ah ok, d'accord. Il y a pas mal de groupes ça. C'est là où il y a Down, c'est là où il y a Super Drunk Ritual, c'est là où il y a I Hate God, c'est là où il y a Soylent Green. Ok. Voilà, d'accord. Donc à la base, le groupe se forme en 88 comme je l'ai dit, mais le premier album Pussy Soul, il est sorti qu'en 95. Donc 88-95, il y a eu pas mal de temps. Okay. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les membres du groupe du début, eh ben, il en reste plus que deux. En fait, depuis 88, il n'y a plus que Tommy Buckley à la batterie et Brian Patton à la guitare. Okay. Et Brian Patton, il faisait en tout cas aussi partie de I Hate God. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le truc de NOLA, il y a un mélange de plein de gens de groupe. Mm. Tu vois ? Ok. Tu vois, parce qu'il y a des gens un peu connus dans ce truc-là. Tu vois ? Attends, j'essaie de... C'est pas un super groupe non plus. Lui, non, mais Down, par exemple, ça, c'est un super groupe. I Hate God, c'est pas un super groupe. En fait, c'est la particularité, c'est qu'ils se mélangent un peu tous. Ouais. Parce que tu vois, il y a Phil Anselmo dans Down, qui était dans Pantera. Oui, oui. Dans Down, t'as aussi Piper Keenan, qui est aussi dans... j'ai pas arrivé à le redire. Dans Corrosion of Conformity. D'accord, et donc ils se mélangent un peu tous comme ça, ils se un peu. Ouais. Donc non, bien sûr que non. Ils se dépannent quoi. Ouais, ils se dépannent. Du coup non, Soylent Green c'est pas un super groupe, mais tu peux croiser pas mal de gens au sein de la NOLA. Qu'est-ce qui est intéressant à dire, c'est qu'ah oui, donc ils sortent leur premier album. Album. Je l'ai déjà fait ça. Ah, ça boum, c'est ça leur premier album en 95 et en. Il faut savoir que c'est un groupe donc qui va avoir pas mal de galères au sein de sa carrière. Ok. C'est-à-dire, en fait, c'est presque un groupe survivant. C'est-à-dire que ça commence en 2001, où il y a le camion de tournée qui dérape sur une route verglacée. Donc, le guitariste se casse les deux jambes et le bassiste est gravement blessé à l'épaule. La misère. Donc là, ils étaient en tournée, donc ça a été annulé. Une fois remis sur pied, Brian Patton, il rejoint la tournée pour essayer d'y aller. Et ils prennent un bassiste de tournée, donc ils s'en sortent. Mais dans l'année suivante, en 2002, il y a un nouvel accident. Et donc là, les deux autres sont blessés. Ah ouais. Et donc ils doivent encore suspendre leur activité. Donc entre temps ils vont sortir un split avec I Hate God. En même temps comme Mike Patton, il est un peu pas Mike Patton, comme comme il s'appelle Brian Patton. Ah, Brian Patton. Je confonds avec Mike Patton, c'est normal. Comme il est un peu dans I Hate God, c'est facile de créer le lien. En avril 2003, le groupe revient avec un nouveau second guitariste, Tony White, et le bassiste Scott Crochet. Le 26 avril 2004, le bassiste Scott Williams est tué dans un meurtre suicidaire perpétré par son colocataire. Attends, j'ai rien compris. Un meurtre suicidaire? En gros, son colocataire veut se suicider, mais il tue d'abord... Ouais. Bah merde. Bah, c'est le pas mec bon. Il veut se suicider, je te bute d'abord. Et en septembre 2005, l'ancien chanteur Glenn Rambo, il est tué lors de l'ouragan Katrina. Oh la vache. Et ils ont, vraiment la... Ils ont vraiment la poisse. Ah ouais, de ouf. Donc malgré tout, ils essayent de tenir. C'est pour ça que tu dis, il y a plus que deux membres d'origine depuis 88, mais en fait les autres, ils sont venus remplacer des gens qui sont. Tu sais, ils doivent se dire, je veux bien, mais pas trop longtemps. J'ai peur d'être le prochain. C'est un petit peu ça. Aïe, aïe. C'est un petit peu ça. Okay. Donc Après voilà, il y a pas grand chose que je sais de plus sur sur le groupe. Ils ont une biographie qui est un peu compliquée, donc je reviens un peu vite fait sur leur discographie. Donc 95 premier album, 98 un EP, 98 second album, 2001 troisième album Deleted Symphony for the Beat and Down, 2005 Confrontation et 2008 dernier album en date Inevitable Collapse in the Presence of Conviction. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, moi j'ai trouvé dans l'écoute de Soul and Green, c'est que au début ça va un peu dans tous les sens, que t'as vraiment effectivement l'impression qu'ils ont tout mélangé dans un blender comme il a dit, et que tu peux facilement te perdre dans ce que t'écoutes. T'es en mode waouh, je sais plus où je suis, quoi. Je sais plus ce que j'écoute. J'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens, et que plus t'avances dans la discographie, moins j'ai eu ce sentiment d'être perdu, en fait. Oui, plus je me suis dit, en fait, plus je trouvais du sens à tout, plus ça me matchait mieux, en fait. Ah ouais. Bah, moi, ça m'a fait cet effet-là, en fait. Là où je me suis dit vraiment, ou sur le dernier album en date, je suis complètement à l'aise dans mes pompes. Même si ça va le quand même. Inévitable, là. Collapse. Ouais. Ah, okay, là où je suis quand même, je me dis, ouais. C'est plus ta cam, quoi. Ouais, ça va dans beaucoup de sens, mais ils m'ont un peu moins perdu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je retrouve justement dans Soul and Green beaucoup d'éléments de ce qu'aime particulièrement Bob. Bob, ce qu'il aime dans la musique, d'une manière générale, il aime beaucoup être surpris. Et ce groupe est surprenant à plein des égards, parce que il va justement dans plein de directions, il se permet d'aller plein de trucs. Et là, je te vois boire à quoi, Tata, et je me dis qu'on n'a pas clean clougué avec notre petit cappuccino. Notre cappuccino, t'as vu, il fait des trucs, des traces froides, comme si c'était ouais, comme si c'était un cappuccino glacé. Ouais, frappé. C'est trop bizarre. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Donc en fait, moi, je me suis beaucoup plus retrouvé sur l'évolution, mais je comprends pourquoi Bob il a autant aimé, parce que il a dû être surpris plus d'une fois. Ok. Parce que ce groupe va vraiment proposer un truc où le mélange des genres, ça lui fait pas peur, et au contraire, ils aiment plutôt ça. Ouais, ouais. Et donc en fait, moi, j'étais content de découvrir ce groupe. Ça m'a fait plaisir justement un peu plus de me rapprocher de ce qu'aimait Bob. Et en même temps, j'étais content de le découvrir avec toi parce que, à l'écoute, je me disais vraiment, je ne sais pas ce que t'as pu en penser. À moi? Ouais, je ne sais pas parce que, autant je sais que c'est le genre de truc qui peut te perdre, mais autant des fois, quand tu peux être perdu, toi, tu peux ressortir en disant, bah, j'ai été brinque-ballé un petit peu partout, mais j'ai passé un bon moment et j'ai kiffé. Ouais. Donc, tonight, je me permets de me tourner vers toi comme ça. Enfin, j'étais. Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Soylent Green. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah! Eh ben, je vais pas te mentir. Je pense qu'il y a au moins un truc que t'as dû un peu pré-shot. Pré-shot, c'est là, on va peut-être aller sur un terrain que Tonaï souvent. Oui, oui. C'est pas trop son domaine. Donc je vais pas te mentir. Dans l'ensemble, je suis resté assez pas top gros client du genre. Ah, c'est prendre des risques, c'est prendre des risques. Mais ça, le faut côté faire. Surprise, eh ben moi. Je l'ai quand même plus eu sur le premier album, en vrai, tu vois. Ah bah. Le Pussy Soul, il y a eu plein de trucs qui m'ont bien plu. Bien plu, mais on est dans un domaine, voilà, qui me parle pas trop. C'est vrai que c'est un peu death, un peu grind. Mmh. Mais en termes de racines, ils l'utilisent, mais ils font pas que ça avec tout ça. Non, je suis pas encore un expert de ces domaines-là, mais voilà, à part le fait que voilà, musicalement et au niveau de la voix, ouais, le death est bien présent, le côté un peu grind sur les chants peut-être un peu porcin, voilà, je suis. Mais le Pussy Soul, moi je l'ai, c'est un peu celui que j'ai préféré en fait de la disco. D'accord. Tu vois, dans le sens où voilà, je suis pas complètement client. Voilà, j'ai fait mon travail d'écoute et tout ça, je suis resté un petit peu en dehors. J'ai fait mon travail, bien sûr. Mais voilà, donc ça reste quand même un domaine où je suis pas à l'aise, okay. Musicalement. Ça me parle pas trop, donc j'ai essayé de rester curieux. Mais s'il y a bien un album quand même que j'irai peut-être réécouter et tout pour aller comprendre un peu pourquoi il m'a interpellé autant que ça, parce que je saurais pas trop l'expliquer. Je le trouve un peu en dehors, celui-là. Je sais pas, je le trouve un peu fou, un peu. Ah bah c'est pour le coup, oui, c'est un peu ça, oui. Tu sais, il utilise ses petits éléments, il en fait sa petite recette, et pour cet album-là, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Bah tu veux, moi pour aller dans un peu dans le sens que tu dis, je peux rejoindre cette pensée là. Moi justement, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à un bac à sable où ils se sont dit allez, on fait tout plein de trucs. Ils se cherchent peut-être. Voilà, et c'est un peu ça je trouve, et que justement, c'est là où moi ça m'a pas déplu, mais il a eu tendance un peu plus à me perdre, et ce qui a continué un peu, et où j'ai vu une forme d'évolution de OK, ces morceaux de ce style-là, ces morceaux de ces motifs plutôt, je peux les mélanger comme ça, arrive à quelque chose, un mélange selon ce que j'ai ressenti plus abouti. Mais je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ça m'a un peu plus perdu sur la longueur des premiers albums. Après moi. toi tu peut-être que t'es quand même, j'ai envie de dire, plus expérimenté, dans le sens où tu ressens le côté recherche de comment dire, d'identité. Ouais. Voilà, donc tu ressens clairement le côté, bon, ils se cherchent. Bah, en même temps, là, je pense que même toi, de l'expérience que t'as bien dû voir que ça sortait un peu des terrains battus, ce que t'as écouté, tu t'es dit, pas tant. Oui, bah, si, dans le sens où, j'ai vu tout de suite qu'on était sur un style qui me parle moins en général. Ouais. Tu vois, le death, le grind, je l'ai entendu assez bien. Ouais, mais justement, le mélange death grind, tu l'as pas si souvent que ça entendu. C'est ça que je te parle. Non, c'est vrai. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Non, c'est vrai qu'ils ont peut-être un côté un petit peu plus, comment dire, original du fait de mélanger un petit peu. Mais après, le death et le grind, c'est pas si souvent mélangé parce que ça me paraît un petit peu. Si, ça peut être mélangé, mais de la façon qu'ils le font eux, je trouvais que c'était quand même déjà un peu. Parce qu'ils hésitaient, ils ont pas d'hésitation quand ils y vont, je trouve qu'ils se permettent justement d'aller dans des trucs en mode on y va quoi. Ouais. Mais après, c'est une recette qu'ils ont quand même réutilisée assez régulièrement dans les albums d'après. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que le premier fait un petit peu plus. J'ai pas envie de dire bordélique parce qu'il fait pas bordélique non plus, mais tu dis fourre-tout, mais moi je sais pas. Labo. Laboratoire. Ok, on va dire ça comme ça. Non, mais ouais, je sais pas, je le trouve un peu. J'arrive pas trop à expliquer. Donc, tu vois, c'est que c'est pas si commun. Ah non, carrément. Ah non, là-dessus, ouais. Alors, je comprends Bob sur le côté surprenant. Après, voilà. Attends, je suppose que c'est pour ça qu'il a aimé. Ça, c'est une supposition de le connaissant. Ouais. Lui, il aurait sûrement beaucoup d'autres choses à en dire, mais. T'aurais dû l'inviter, là. Et je sais que j'y ai pensé. Oh, le pauvre. Ouais, mais il manque une chaise. Ah, bah, je l'aurais mis sur mes genoux. Non, j'ai fait les jambes hier, donc je pense que je peux le supporter. Ouais, non, oui, mais il est léger comme tout, c'est pas le problème. Oh. T'as vu comment il est que ça? Non, mais il est grand. Ah, il est grand. Peut-être qu'il a une ossature lourde. Ah, il a peut-être une ossature lourde. Je le vois bien avoir une ossature lourde. Il a les fesses trop pointues. Ouais. Non, mais oui, bah écoute, bah oui, mais bon. Ça aurait pu être sympa. Oui, bah je fais ce que je. Peut-être qu'il attend que ça qu'on l'invite. Dis-nous en commentaire, Bob, si tu veux qu'on t'invite. On saura s'il écoute du coup. en tout cas, bon. Donc Soylent Green, totale découverte dans un domaine voilà qui me parle moins en général. On va pas se mentir. Il y a des passages que j'aime bien quand même. Et voilà. Mis à part le premier album que je pense que je vais vite fait aller réécouter parce que j'ai plein de trucs à faire, plein de groupes à écouter. Ouais, t'as quelques j'ai groupes de quoi, à écouter. J'ai de quoi faire. Est-ce que quand même tu veux savoir où ils passent? Ou plutôt, non, attends. Alors, je peux. Bien sûr, tu peux pré-shot. Je peux pré-shot. Donc, je pense que c'est soit Warzone, soit Altar. Et pas du tout, parce qu'en fait, ce que t'as. Ni l'un ni l'autre. Je t'ai parlé de quoi comme groupe tout à l'heure? Je t'ai parlé de Corrosion of Conformity. Ouais. Et Yet God. Oh, Main Stage. Non, laisse-moi finir. Je t'ai parlé de Corrosion of Conformity. Et Yet God, Down. Et je t'ai pas parlé d'Acid Bass, qui pourrait un peu rentrer dans ces groupes de la Nola. Ah, d'accord. Et donc. Soylent Green, qui joue tous le même jour, le dimanche, sur la vallée. C'est une journée un peu Nola. Ah ouais? Ouais. Ah, le délire. Eh ouais, délire, mon pote. Ils jouent tous à la suite, les groupes. D'accord, sur la vallée. Putain, le délire. Ah ouais. Et tu vois, et là, du coup, même l'affiche reprend une autre perspective. D'accord, ok. Ah ouais. Ça va être le bordel en vallée, quoi. Ah, yeah. Ok. Alors, du coup. Ah, je me rappelle. Après, voilà, c'est pas pour le groupe, pour le coup, mais après, voilà, c'est plus pour le délire. Ah, le bordel en vallée, en général, c'est plutôt cool. C'est pour ça, alors, c'est du coup. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est pour comme ça. Le bordel en Warzone, c'est pareil aussi. Hein. Mais du coup, alors, Tenai? Ah. Tenai, Soylent Green, alors? Bah, j'ai envie de dire faire un tour. Attends, t'accompagnerais pas Bob? Oh, merde. Bah ouais. Mais t'es chiant, toi. Mais quoi? Déjà, laisse-moi dire Pardon. Mon truc, et après, tu dis Bob, et là, après, je fais. Oh, mais ouais, j'avais oublié Bob. Sorry. Dans. Ta réflexion. L'équation. Ouais. Donc, pour mon avis personnel, ça serait peut-être faire un tour parce que il faut se dépenser. Tu vois, il faut se dépenser. Non, mais je l'ai dit. Tu l'as dit dans une précédente capsule, ouais. Il faut se dépenser. Faut se dépenser. Mais ça, c'est un groupe où tu vas te dépenser. Tu vas te dépenser. Tu vas délier les articulations. C'est ça. Tu t'échauffes un peu avant. Et ça. Ouais. Non, mais ça, c'est important. Tu t'y pars sans conviction et t'en ressors. Oh. C'était excellent. Donc, je vais rester sur faire un tour. Ok. Pour un avis personnel. Bah, t'es allons vers le que oui, parce que voilà. Maintenant, tu rajoutes à l'équation le père Bob. Père Bob suivi d'un petit Jack. Hein. D'un petit Jack, bien évidemment, qui n'est jamais bien loin. Bien sûr. Eh ben, sachant que je pense qu'il y aura Percy aussi, mais je veux pas parler pour elle. C'est vrai, il y a Percy aussi. Bah, potentiellement, mais je veux pas parler pour elle. Non, mais en tout cas, je crois que Bob nous accompagne souvent, hein. Oui. Parce qu'il y a pas mal de fois où il fait ouais, mais je vous accompagne. Il est pas chiant. Donc, voilà. Donc, ça serait plus un vers le oui avec tout ça. Tu vois? Parce que c'est sûr que là, il y a moyen de guincher, comme on dit. Eh bah ouais. Hein. De faire des circle pits, tout ça. Le dimanche, pour finir. Surtout qu'il y aura Théo, je pense. Oh, oui. Il y a des chances. Oui, il y a des chances. On va aller. Il va faire, oh, ils sont valés, ça. Alors après, il y a l'air, il y a du lourd aussi en face à Warzone, donc peut-être que, enfin, c'est pas en même ça temps que tu risque d'être. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait des journées bien compliquées sur cette affiche quand même pour beaucoup. Ouais, je pense que le Running Murder va être compliqué pour tout le monde. Pour pas mal de personnes. On en reparlera à l'occasion. Ouais. En tout cas, Tonai, merci beaucoup. J'espère quand même que c'était une découverte agréable. C'était une découverte agréable, ouais. Bon, bah, ça me fait plaisir. On se retrouve rapidement pour faire d'autres capsules. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que du bien. Parce que j'ai encore beaucoup de groupes à te faire découvrir. Ouais, tant ouais. que ça. J'ai pas envie de te dire, ça va t'effrayer. Ça va te faire peur. Ça va t'effrayer. Plus que l'année dernière. Non, commence pas à faire croire aux trucs des gens, après ils vont être déçus si ça n'arrive pas. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Tonai. Bah, on se retrouve bientôt. Ouais. Et puis, la semaine prochaine. Ah, bah, sûrement, ouais. Prochaine. Ciao, ciao. Salut, Tonai, merci.